les jaloux cliquaient. Je traîne qu'avec des cas sociaux. Je fais le bédo, je fais le bédo. Si tu joues ton show, je prends ta meuf indique. Je vais lui casser son dos. Aïe, mais tu me casses le dos doucement, Marseille. Cliquez, cliquez, bande de petites salopes. Prends ta galère avec ta meuf, rien qu'on galope. Ok, ok, on est ok. Je fais le tour du monde et toi tu fais le tour de ta chambre. Puis comme je représente que les vrais, chez les condés ils servent à rien, rien qu'ils sont bourrés. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La couille, on la dépouille. Je compte à 195 meufs, j'ai toujours la taille. Fais de la pute de monsieur Maigret, ça trop pas tard. Sur Terre 4, c'est mort, ça écrase la carrière. Les jaloux, bah les tout niqués. J'arrive toujours équipé lourd. Ceux qui passent sont nets en face de nous. Putain, les mecs ils courent pas ta bouche si t'assumes pas. Dur et le compte pas. Qu'est-ce que tu crois, le son du terre-terre 4, c'est pire que on back. N-A-Y-H-2-O-D. J'rappe pas pour plaisanter. C'est trouillons de la galère que j'ai représenté. C'est plus des CS que j'débiche, des gaines au M16. Pire que Jason, j'débute ta tête à vendredi 13. La concurrence, la vois ah, passe-moi des jumelles. De moins en moins la cote depuis les deux tours jumelles. J'fais mes bails seuls, j'ai besoin de personne. Qui t'a dit qu'avec une balle, on couche pas Tyson. J'ai loué ma bosse dans la scie jusqu'à GDN. Sois pas envieux, jaloux, dans tes yeux je ressens ta haine. Mec c'est mort, side, Neyhood. Laisse-nous tout baiser dans le 9-5, les autres rappeurs, boum, boum. Les jaloux cliquaient. La tu ranges la fourche, la voix ars. Ça représente truand de la galette. Si t'aimes pas, va niquer ta mère. Vente les frérots, vente des barrettes. Tout est dans le cran. Tout est dans le cran. Ça coule la queue du lourd sur le cahier. Ça charbonne pendant que vous baillez. Devant le mec, faut me médailler. On sait que les salopes vont nous tailler. Moi, je viens du nord, donc t'inquiète pas que je suis habitué à me les cailler. Trop de temps passé à racailler. J'étais obligé de me les tailler. Le micro, je crois que je vais le grailler. Mais le Rix te met des balles. Toute notre vie sous-estimée. Obligé de te mettre des claques. Algérie sur le drapeau. Obligé de poser des calés. Ça représente truand de la galère. Si t'aimes pas, va niquer ta mère. Entre les frérots, vendre des barrettes. Nous, on détruit tous nos adversaires. Donc, moi, est obligé de poser vénère pour le son du TRR. Tu peux nier, ouvrir ta grande gueule, mais c'est le son qui persfère. En temps de guerre, seuls les soldats vaillants sont les soldats qui servent. Terre, les fers restent donc par terre. La famille en tant que partenaire. M-O-H-I, 2-S-A-N, le flow qui attaque tes artères. T'as bien compris qu'on pèse par notre garde comme sur un ring de boxe taille. T'es pas d'accord, c'est KO direct, 5 demande à mort. Y'a pas de méthode pour un Bézin, tout est dans le temps. Pour braquer, pour palper, rey, tout est dans le cran. Pour la mettre bien au lit, c'est simple, tout est dans le blanc. Pour savoir la force du terre-terre, tout est dans le clan. Tu vas à la rue des Carmes, casse-neck, jusqu'à place de deux, connu par toutes les cailles. Face-deck, grosse deck de rebeu, prépare tes funérailles. On va vous jeter sous les rails. 2012 pour 2013, ça m'étonnerait que la générale. Instinct charognard comme d'habitude. Crap, casse des clavicules, j'ai car brûlant sous carburant. C'est pire que la canicule, t'es vicieuse. Habiba, j'imaïa, j'te manipule. On change pas les habitudes. Les jaloux cliquaient. Ça représente truand de la galère. Si t'aimes pas, va niquer ta mère. Vente les frérots, vente des barrettes. Tout est dans le cran. Tout est dans le cran. Ok, quand je kick 93, épiné sur scène. Truand de la galère, on rap sale depuis sur scène. Je fais des dégâts. Quand je prends le mic, t'as ramené tous tes gars en un couplet. Ils mettent les gaz. Moi, les gars, le du terre-terre. Je rappe sale depuis les gens. T'as qu'à demander à tous mes gars avec un son illégal. 93, le 800, le son est bien. Puissant, truand de la galère depuis tout petit, je rappe sale depuis tes temps. Gauche, droite, bled, t'es mort. Épiné sur scène, gros, ça fait. Je commence avec un flow. C'est parti, gros, passe-moi une feuille, un stylo. C'est parti pour le rodeo. Je commence fort comme un bruit de rappeur. Encore une production hardcore qui va remettre tout le monde d'accord et qui va niquer les MC. J'espère qu'on a dansé parce que les truands de la galère sont là pour faire. J'suis sale. Couleur dans mon verre, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Attends gentiment ça, ça peut-être bien buter un verre. Prends du fer, engage à tout pour le faire et tu croises le fer. T'es trop bête, tu pousses la pompe, mais si tu tires à quoi ça sert. T'aimes pas l'école pourtant, tu kiffes la réussite. T'aimes pas les rôles, c'est que ce juste les voyants sous cuit sous alcool. Comment t'expliques un tel changement de conduite. T'aimes pas fuir, mais prends ton pied quand tu frappes un délit de fuite. Qu'est-ce que tu fais, c'est pas logique. Avec ma feuille et mon bide étant petit, mes premiers rêves c'était de démarrer un flic. Pas choix, ouais. J'ai choisi la délinquance. Peut-être que je dis les peut-être que je brasse. l'acné, j'pèse aussi la France, nique la cour d'assises et la grande instance. Les haineurs me souhaitent du mal, mais j'suis fier de mon insolence. À l'aise dans un Audi 4, tu reconnais ce son, c'est le son du Terre-Terre 4. J'arrive trop gangsta, shit club massa, j'ai les mains sales, rats à masta, ma vie en putain de vie brasta. BND, chante la blood, fais le fouillant des crimes, demande à mes ennemis si j'ai déjà raté ma cible. Argenteuil, Argenteuil, fiche de sommet de la pyramide, des son oeil. J'suis trop violent sur le beat, beat, ma beat, beat, ta pute, pute, me lâche, chic, chic. J'suis fantastique, chic, comme un panthère, un cycle. Bibi, où qu'as-je rappé? Bibi, où qu'as-je frappé? Bibi, où qu'as-je bicrabé? Bibi, où qu'as-je été agité? Quand j'étais seul à cogiter, dans ce rap, viens pour tout niquer. Dans ma tête, économie, pour construire dans mon pays. La misère, on la connaît, mon rap, il est pas connu. Ma gueule, chez Hnoucha, elle est connue. Par contre, mon fils, je l'aurais pas donné. J'm'en bats les couilles du passé. Qu'est-ce qu'ils font, c'est brasser jusqu'à en avoir assez. J'habite dans ma zone, toute sa black, beurre, blanc ou jaune. J'ai tué mon gang pour faire vivre l'homme. Le chemin était si long de ma route jusqu'à ma sortie. Que mes lyrics sont passés par la fenêtre, pas pour des boums mais des vrais parties. Les MC veulent percer dans le game, les MC veulent monter leur name. La femme c'est la famille, ce que je passe dans la laine, c'est les ennemis. J'ai vu mon avenir dans un parc et mon môme. Le droit sur la lune, le pire je laisse dans ton monde. Big mon manet, B.I.G. on m'a nommé. One night, one two, zéro, ce que tu reconnais. Les jaloux cliquent. Je la vois. Ça représente rien de la carrière. Si t'aimes pas, va niquer ta mère. Avant que les frérots vendent des barrettes.